Deuxième livre des Rois, chapitre 14. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, commença à régner. Il était âgé de 25 ans quand il commença à régner, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère avait nom Jéhoadan, et était de Jérusalem. Et il fit ce qui est droit devant l'Éternel, non pas toutefois comme David son père, il fit comme Joas son père avait fait. De sorte qu'il n'y eut que les hauts lieux qui ne furent point ôtés, le peuple sacrifiait encore, et faisait des encensements dans les hauts lieux. Et il arriva que dès que le royaume fut affermi entre ses mains, il fit mourir ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Mais il ne fit point mourir les enfants de ceux qu'il avait tués, suivant ce qui est écrit au livre de la loi de Moïse, dans lequel l'Éternel a commandé, en disant, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, on ne fera pas non plus mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. » Il frappa 10 000 hommes des deux mains la vallée du sel, et prit Sela par guerre, et la nomma Joktéel, qui est le nom qu'elle a eu jusqu'à ce jour. Alors Amatsia envoya des messagers vers Joas le fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire, « Viens, et que nous nous voyons l'un l'autre. » Et Joas roi d'Israël envoya dire à Amatsia roi de Juda, l'épine qui est au Liban a envoyé dire au cèdre qui est au Liban, donne ta fille pour femme à mon fils, mais les bêtes sauvages qui sont au Liban, ont passé, et ont foulé l'épine parce que tu as rudement frappé Edom, ton cœur s'est élevé. Contente-toi de ta gloire, et tiens-toi dans ta maison, pourquoi exciterais-tu le mal par lequel tu tomberas, toi et Juda avec toi? Mais Amatsia ne voulut point y acquiescer, et Joas roi d'Israël monta, et ils se virent l'un l'autre, lui et Amatsia roi de Juda, en Bethsem, qui est de Juda. Et Juda fut défait par Israël, et ils s'enfuirent chacun dans leur tente. Et Joas roi d'Israël prit Amatsia roi de Juda, fils de Joas, fils d'Achazia, en Bethsem, puis il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées à la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm, jusqu'à la porte du coin. Ayant pris tout l'or et tout l'argent, et tous les vaisseaux qui furent trouvés dans la maison de l'Éternel, et dans les trésors de la maison royale, et des gens pour otages, il s'en retourna à Samarie. Le reste des faits de Joas, et sa valeur, et comment il combattit contre Amatsia, tout cela n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël? Et Joas s'endormit avec ses pères, et fut enseveli à Samarie avec les rois d'Israël, et Jéroboam son fils régna en sa place. Et Amatsia fils de Joas roi de Juda, vécut 15 ans après la mort de Joas fils de Joachaz roi d'Israël. Le reste des faits d'Amatsia, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda? Zéroer en fit une conspiration contre lui à Jérusalem, et il s'enfuit à Laki, mais on envoya après lui à Laki, et on le tua là. Et on la porta sur des chevaux, et il fut enseveli à Jérusalem avec ses pères, dans la cité de David. Alors tout le peuple de Juda prit Azaria âgé de 16 ans, et ils l'établirent roi en la place d'Amatsia son père. Il bâtit Elat, l'ayant remis en la puissance de Juda, après que le roi fut endormi avec ses pères. La 15e année d'Amatsia fils de Joas roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, commença à régner sur Israël à Samarie, et il régna l'espace de 41 ans. Et il fit ce qui déplaît à l'Éternel, et ne se détourna point d'aucun des péchés de Jéroboam fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël. Il rétablit les bornes d'Israël depuis l'entrée de Hamat, jusqu'à la mer de la campagne, selon la parole de l'Éternel le Dieu d'Israël, qu'il avait proférée par le moyen de son serviteur Jonas fils d'Amittaï, prophète, qui était de Gath-Éphé. Parce que l'Éternel vit que l'affliction d'Israël était fort amère, et qu'il n'y avait ni de ce qui est serré, ni de ce qui est délaissé, et qu'il n'y avait personne qui aidât Israël, et que l'Éternel n'avait point parlé d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, à cause de cela il les délivra par les mains de Jéroboam fils de Joas. Le reste des faits de Jéroboam, tout ce, dis-je, qu'il a fait, et la valeur avec laquelle il combattit, et comment il reconquit Damas, et Hamath de Juda en Israël, n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois d'Israël? Puis Jéroboam s'endormit avec ses pères, les rois d'Israël, et Zacharie son fils régna en sa place.